بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، juste un تنبيه par rapport au dernier درس، c'était où في قوله مثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. Parmi les choses qui interdisent une ibada, c'est le fait qu'il fasse une salat nafila mutlaqa dans un temps interdit. Dans le ders précédent, j'avais mis une adoration nafila. C'est pas n'importe quelle adoration. C'est là, il parle de la salat. Parce que nafl, ça yutlaq à la réelle salat. J'ai pas fait attention, mais en fait, c'est la salat en soi. Le fait de faire deux rakat. Pas n'importe quelle. Par exemple, notre ibada, il veut faire dua, il n'y a pas de temps interdit pour dua. Mathalan. Il y a des temps mustahabba, même le temps interdit à ce temps-là, tu ne fais pas de dua, je ne connais pas. Donc là, je précise, le cause du mu'allif, c'est de faire un salat. Nafila mutlaqa, qui n'a pas de cause, à un moment, à un temps qui est interdit. Naam. Akhavna al-ahkam al-shar'iyya. On a dit qu'elle se divise en deux, taklifiyya ou wad'iyya. On a dit que le taklifiyya, sont le 5, il y a le wajib. Il y a le mandoub, ce qui est appelé le mustahab. Il y a le haram. Il y a le makrouh. Ou il y a le mubah, le permis. Ensuite, on a dit que deuxième catégorie des ahkam al-shari'iyya, l'ahkam al-wad'iyya. Ceux qui ont été mis pour démontrer la validité ou non d'une adoration. Comme le fasad ou le siha. Al-ansa nakhouz shay'an akhar. وهو باب العلم باب العلم et le mu'allif l'a cité dans cet ordre là car dans le ta'rif du fiqh il y est cité فقال تعريفه العلم إدراك شيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. Donc le ilm, c'est quoi? C'est le fait de cerner une chose dans sa réalité totale, quand même complète, comme par exemple le fait de savoir que le tout est plus grand que une partie, comme ça. Quand on dit tout ça, ça veut dire que c'est plus grand que cette petite partie-là. C'est une chose qui est liée à la raison. Ou que savoir que la niya est une condition dans la ibada. Quand même, l'ibada, il faut que tu aies une niya. Nama al-amal bin niya. Ça, c'est dit au ilm. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية يسمى الجهل البسيط مثل أن يسأل عن أو يسأل متى كانت عزوة بدر فيقول لا أدري. Donc maintenant quand il dit nous excluons par notre parole إدراك الشيء, c'est-à-dire cerner la chose, qu'est-ce qu'on exclut par, on exclut par cela? Le fait de ne pas savoir la, de ne pas avoir cerné la chose, le contraire quoi. Et cela s'appelle de ne pas voir cerner la chose dans sa totalité. C'est-à-dire, la chose, tu ne la connais pas du tout. Et cela s'appelle « el-jahl el-basit ». C'est ce qu'on appelle l'ignorance, je ne sais pas comment on traduit. Simple. Et un iwa, ce serait simple, mais bon. L'ignorance de base, tu vois. Comme le fait que quelqu'un, il serait interrogé quand était la bataille de Badr, et il dit « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Vous voyez, il n'a pas du tout d'ilm maintenant. « Wa kharaja bi qawlina ala » ما هو عليه أي sa réalité إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب مثل أن يسأل متى كانت عزوة البدر فيقول في السنة الثالثة بعد الهجرة. Donc il dit c'est comme le fait par exemple de connaître une chose sur ce qu'elle n'est pas réellement. Il a sonné une chose d'une façon qui n'est pas sa réalité. Cela s'appelle le jahl murakkab. C'est une ignorance. Yani, il y a plusieurs façons de traduire. C'est une ignorance sur une ignorance, en fait. Murakkab, yani. Souvent, je disais ignorance façonnée ou kaza, kaza, kaza. Yani, c'est pas ce qu'il y a de mieux à dire. Murakkab, c'est une chose que tu as fabriquée également. Que tu as montée. Tu t'es monté l'ignorance, c'est-à-dire que tu savais alors que tu ne savais pas. Comme par exemple quelqu'un qui on dirait quand était Razwat al-Badr et dira troisième année de la Hijra. On dit non, c'est la deuxième. Donc lui, il pensait qu'il savait, il ne savait pas. Contrairement au premier qui lui disait, moi, je ne sais pas du tout. Et bien évidemment, le premier est mieux que le deuxième. Jal Basit, lui, reconnaît qu'il ne sait pas. Quand même, donc lui, il n'y a pas de souci, tu lui apprends, il accepte. Et même le Jahil Murakkab, lui, il est fatigant. Parce qu'il croit qu'il sait alors qu'il ne sait pas. Et c'est un gel, c'est le que tu vas trouver chez beaucoup de gens qui polémiques, qui font des jidels et des débats vains et futiles. Ils parlent pendant je ne sais combien de temps pour une chose qu'ils pensent savoir, qu'ils ne connaissent pas. ثم قال وخرج بقولنا إدراكا جازما أي يعني dans sa totalité, de façon totale. إدراك الشيء إدراكا غير جازم بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فليسمى هذا أو ذلك علما. Donc comme le fait par exemple qui l'a cerné la chose mais sans ce n'est pas un discernement décisif. C'est-à-dire qu'il est possible que cette chose-là soit comprise sous un autre angle. D'accord ? Donc cela ne s'appelle pas ilm. Cette chose peut être cernée d'une façon différente que la comprise de la personne. Donc cela ne s'appelle pas ilm. Quand on dit ilm, c'est une chose qui est cernée dans sa totalité et sur sa vraie réalité. طيب. قال ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فراجح ظن والمرجوح وهم وإن تساوى الأمران فهو شك. Donc maintenant après, si jamais l'une des deux hypothèses qu'il a, il en fait devancer une sur l'autre, c'est-à-dire ce qu'on appelle une parole prépondérante, ça s'appellera rajih. On appelle akur rajih, c'est la parole prépondérante, c'est-à-dire ce que tu vois comme étant la plus juste. Et le marjouh, c'est l'avis qui est le moins prépondérant des deux. Donc lui, lorsqu'il y a un irtimel entre deux choses, d'accord, ce qu'il appelle rajih, ça va être un von, c'est-à-dire je pense que c'est ça. Et le marjouh, ça va être un wahm. Et un wahm, c'est le fait d'avoir cru une chose qui n'est pas telle qu'elle. Une mauvaise impression, on va dire. Irtimel, probabilité. Ou intasawa, et si les deux choses sont équivalentes, ima hada, l'un des deux, je ne sais pas, s'appelle shek, je doute. Il va arriver, je vais citer ça, inshallah. Fabi hada tabiyena anna ta'aluk al-idrak bil ashiya kellati. Donc là maintenant, il va citer que là, ce qu'on appelle le cernement des choses se base sur l'ordre qu'il va citer maintenant. علم وهو إدراك شيء على ما هو عليه إدراكا جازما. Donc c'est la science. Avec le tarif qu'on a cité au début. Première marhala, c'est la science. Une chose que tu as cernée de façon totale, sa vraie réalité. ثاني جهل بسيط. Ignorance de base, de simple. C'est-à-dire le fait de ne pas du tout avoir cerné la chose. ثالثا جهل مركب. Yani l'ignorance préfabriquée ou tu t'es fait une ignorance sur l'ignorance. C'est-à-dire tu ne sais pas et en plus tu crois que tu sais alors que tu ne sais pas. Donc une double ignorance, comme on dira. C'est-à-dire il pense avoir compris une chose sous une réalité qui n'est pas la sienne. Rabi'an von. Je pense que telle chose. Et c'est le fait de cerner une chose avec probabilité que un autre avis. Il y a un autre avis qui soit moins prépondérant. Après, tu as le waham, c'est le fait d'avoir cerné une chose, voyez, avec possibilité que l'autre avis soit le plus correct. Et la fin, c'est le shek, c'est le fait d'avoir cerné la chose avec une probabilité d'équivalence entre les deux avis. Tu dis imma hadha ou imma hadha, je ne sais pas, c'est l'un des deux. Là, c'est le shek. Après, tu as deux avis. Tu as le marjour, celui qui est moins fort, et le rajir, celui qui est fort. Tu as choisi le marjour, on appelle ça un wahm que tu as eu. Tu as eu un wahm. T'as même ? Et si jamais tu choisis l'avis le plus fort des deux, ça s'appellera un von. C'est-à-dire, tu penses une chose et tu dis, peut-être que cet avis-là aussi, il est correct. Mais rien, pour moi, cet avis-là, il est plus fort. Mais je n'exclus pas le fait que cet avis-là soit possible. Mais pour moi, l'avis le premier est le plus fort. Ça s'appelle un rajih. Et ça, tu verras souvent ça dans les khilafs. Ce sont les termes qu'on prend dans les khilafs. Al-Qawl al-Rajih ou Al-Qawl al-Marjouh. Voilà, le col que lui voit comme étant correct. Des fois maintenant, il se peut que tout soit radir, pour un autre, ça ne l'est pas. Et des fois, radir, c'est radir, fi'lan. Et ce col-là, tu ne l'as pas dans un ijma. Un ijma, il n'y a pas de radir marjou, c'est un col wahid. Une seule parole. Tayyib. Qala aqsam al-ilm. Catégorie de ilm. Et ce taqsim qu'on va prendre là maintenant, là, à la base, ce sont Cheikh Fath, il avait dit que ce sont les gens de la philosophie Mutakallimin qui l'avaient inventé. Pour diviser entre les choses de du aql et les choses de la législation. Et Cheikh l'Islam, c'était cette faïda dans Al-Nubuwa. Pour pouvoir faire quoi? Douter des choses de la Shadira. Mais après, ce taqsim, il est resté. Donc c'est quoi? Il y a un qasim al-ilm ila qismain. Zaruri wa nazari. Que la science se divise en deux choses. Celle qui est évidente et celle qui est théorique. Celle qui est évidente et celle qui est théorique. Zaruri, ça veut dire évidente. J'ai traduit comme évidente. Maintenant c'est notre mot, voilà. Zaruri, là dans ce terme-là. Alors là, tu l'as dit quoi? Naam. C'est pas ça que tu as entendu? Si, si, mais je veux dire, Zaruri, c'est le premier mot que tu as traduit. Là, c'est, ça, c'est évident, ça. C'est ça que j'ai lu là, au-dessus. Ça c'est évident et ça c'est... Ah ouais, théorie. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم في ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc la science, celle qui est évidente, et celle, c'est une chose, tamam, qui n'échappe à personne. Que tu es contraint de la reconnaître sans même avoir besoin de preuves. Comme le fait de savoir que le tout est plus grand que la partie. Ou que le feu est chaud. Ou que Mohammed est le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les choses évidentes que tout le monde connaît. Thaniyan wa nazari, théorie. Ma yahtaju le nazar wa istilal kal ilm li wujud al niya fi salah. Une chose qui a besoin d'une preuve. Tu ne peux pas savoir de toi-même comme ça, comme le fait de connaître l'obligation que la niya est obligatoire pour la salat. Il faut que tu aies une niya. C'est une chose, ce n'est pas évident à la base. Il faut que tu le saches, il faut que tu aies eu un texte pour le savoir. Fahimt? Mais Cheikh l'Islam, Taimiya, il dit que ce taqsim-là, c'est une chose qui est relative en réalité. Ça dépend des gens. Ce qui peut être daroui pour toi, ce n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Wa Allah subhanahu wa ta'ala, yakul fi kitabihi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Que Allah vous a sorti du ventre de vos mères, vous ne saviez rien. Donc le feu, qu'il est chaud, pour le savoir, il a fallu l'avoir testé. À part si on te l'a dit. Quelqu'un qui s'approche du feu, il voit que c'est chaud. S'il est loin, il voit un feu ou là. Il peut pas. Quelqu'un qui connaît rien du tout, il voit un feu. Il veut savoir que ça va le brûler, il ne peut pas le savoir forcément. Comme un enfant. Les enfants, les choses dangereuses, ils ne les connaissent pas. C'est pour ça qu'ils se font du mal. Et ils apprennent. Maintenant, si tu te dis, attention, ça brûle, t'as des gens ne vont pas tester. Ah, je te crois que ça brûle. Et voilà. Mais si on l'avait pas dit, il n'aurait pas pu le savoir. C'est pas une chose, il est né avec, le feu, ça brûle, je ne le touche pas. Tu ne le dis pas, il ne va pas le savoir. Comme un serpent, quelqu'un il voit un serpent, il sait pas c'est quoi, un enfant, il va vouloir jouer avec. Et le jour où il sait c'est quoi un serpent, il va savoir toute sa vie c'est quoi un serpent. Tamam. Et Mohamed Rasulullah, tayyib, t'en as, ils ne le savent pas. Dans la fitra, qu'on passe le message de l'islam, ils ne le savent pas forcément. Donc, ce n'est pas un truc qui est darouri. C'est darouri pour le musulman. Un musulman qui ne sait pas ça, ce n'est pas un musulman. Mais pour un être humain. Par exemple, le feu, c'est un truc qui touche tout le monde. Où que tu sois. Mais Mohamed Rasulullah, c'est une chose qui est darouri pour le musulman à la base. Maintenant, les koufars, ils le savent. Mais est-ce qu'ils le savent tous? Ils ne le savent pas tous. Mais les musulmans, ils le savent tous. Donc, ce taqsim, yani, il est discutable. Et comme Cheikh l'Islam l'a bien expliqué, c'est relatif en fonction des gens. D'accord? C'est pas un truc qui est jazim, qui est catégorique. Ça, c'est Darwin, t'es obligé de savoir. Si tu ne sais pas, ben, je ne sais pas d'où tu viens. Et ça, c'est Nazari. Le Nazari, taïb. Mais le Daruri, yani, il est relatif en fonction des gens. Je dis fini Nazar. Fini Nazar, en fait. C'est pas sûr, en fait. C'est pas vraiment. Il est relatif. C'est pas, comme il dit Cheikh l'Islam. Mais à la base, on ne connaît rien. Alors, ce temps-là, comme le verset le dit, on est sorti, on ne savait rien du tout. On a appris. Hein? Nisbi. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Et Allah a enseigné à Adam tous les noms, c'est-à-dire qu'à la base Adam ne le connaissait pas. Akada. Donc ça c'était le ders d'aujourd'hui. Bab al-ilm. Et dans son Muqaddima de Masmu Thalathat al-Usul, il cite cela. Cheikh Ibn Uthaymin, la science, qui est le ilm, qui est le djihl basit, il y a le djihl murakkab, il y a le dhon, il y a le wahm et le shak. Après, on a appris quoi? Aqsam al-ilm, qu'il est de deux catégories, darouri, évident, et nazari, théorie. Le darouri, c'est celui qui est évident, qui n'a pas besoin de preuve. Et le théorique, celui qui a besoin d'une preuve. On est obligé de l'apprendre. Mais on a dit ça, c'est discutable. Car toute chose à la base, tu as besoin de l'apprendre à la base. Ah, mais par contre, que Allah est ton Seigneur, c'est une chose que tu sais déjà en toi. On te le rappelle. Non. Ah aussi, hier, j'ai oublié un truc que j'ai pas bien j'ai pas traduit. Il se peut que quelqu'un ne comprenne pas. Le mukallaf, on avait dit, c'est le baalir. Aqil. Baalir, c'est le pubère. Et aqil, celui qui a une raison. Ce qui exclut, le fou. Celui qui est ivre. Celui qui est inconscient. Réel zalika. Et le baalir, c'est celui qui a atteint un âge. Et le boulour, il n'y a pas vraiment de dalil pour définir le boulour. Certains, ils voient que c'est à partir de 15 ans, se basant sur le hadith d'Ibn Omar, qu'il était venu pour combattre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'a refusé. Il est revenu à 15 ans et l'a accepté. Et donc, ils se sont dit, et il n'avait pas eu les signes du boulour. Parmi les signes du boulour, tu as les poils de la barbe, le fait que tu as du sperme qui sort, par exemple, dans un rêve, même si tu n'es pas marié. Vous voyez, il y a des choses, il y a des signes qui apparaissent. Par exemple, demain, quelqu'un il vient, il a de la barbe, on va dire les baalirs. Ou quelqu'un il vient, il est imberbe, et la nuit, il a fait un rêve, et la masalène, il a éjaculé, on va dire, khalas, t'es baalir, toi. T'as différents signes. Mais maintenant, mettre un âge décisif, dire que c'est à 15 ans, le Jumour, il voit ça, en se basant sur le hadith d'Ibn Omar. Mais Ibn Hazm, il dit, c'est pas salir, ça, c'est pas clair, ça. C'est pas un truc qui est clair pour dire que, khalas, à 15 ans, on est baalir. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il voit pareil. Tu vois? Il dit que le hadith, il n'est pas clair, que le boulour, il n'a pas d'âge défini. Quelqu'un il peut devenir baalir à 17 ans. Bien que la moyenne, en général, c'est à la quinzaine ou un petit peu avant, 14, 15 ans par là. Pour la femme, par exemple, c'est des menstrues. La femme qui a ses menstrues, ça des baalira. Râle zalika. Naam. Ma foumada. Naam. Tfaïla huna wa alhamdulillah rabbil alamin.